بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 38 dans l'explication de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabouni avec les commentaires de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre dans le livre. Et ce chapitre-là s'intitule « Shafa'atul Rasuli sallallahu alayhi wa sallam li ahlil kaba'ir min ummatihi » c'est-à-dire l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam pour les gens qui ont commis des grands péchés, pour les gens qui ont commis des grands péchés parmi les gens de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam al-Sabouni, rahimahullah, il dit ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد بن حمدون أنبأنا أبو حامد بن الشرقي حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر بن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا محمد بن المسيب الأغرياني حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المتقين قال لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين أخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمرو بن أبي عمرو أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي من قبل نفسه خالصا من قبل نفسه. Donc ça c'est les hadiths que l'imam As-Sabouni a cité ici. Donc il commence en disant que les gens de la religion ainsi que les gens de la sunna, donc les gens de la religion et de la sunna, croient en l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam pour les pécheurs parmi les gens du tawhid qui ont commis des grands péchés, comme cela a été rapporté dans les narrations authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Et là il cite avec les chaînes de transmission. Il a cité plusieurs hadiths. Le premier hadith rapporté selon Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma shafa'a pour la shafa'a, yani ma shafa'a c'est pour les gens qui ont commis des grands péchés parmi ma umma. Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. L'autre narration, le deuxième hadith qui est rapporté, c'est selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a donné le choix entre l'intercession et de faire rentrer la moitié de ma umma au paradis. Et j'ai choisi l'intercession car elle est plus générale et plus complète, plus suffisante. Et quelqu'un a posé la question, hein, là, ou bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui demande, la voyez-vous comme étant pour les pieux, les croyants pieux de la umma? Et il répond non, mais elle est pour les pécheurs, ceux qui se sont souillés et qui ont commis des péchés. Et ensuite, il rapporte une autre narration ou un autre hadith selon Amr ibn Abdi, selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Et dans ce hadith-là, yani, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est questionné par Abu Huraira. Et il lui dit, ô messager d'Allah, quelle personne sera la plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, yani, je ne pensais pas que personne d'autre que toi me poserait cette question-là en premier, à cause de ton désir pour le hadith, yani, à cause du désir ardent que tu as de connaître les hadiths. Et il a répondu en disant, la personne qui sera la plus heureuse de mon intercession au jour de la résurrection, c'est celui qui a dit la ilaha illallah avec pureté, hein, de lui-même, yani de son âme. Il a dit ça avec une sincérité et une pureté, yani de son âme. Donc ça veut dire que il a prononcé la ilaha illallah avec sincérité, et ça implique bien entendu qu'il l'ait dit avec compréhension et qu'il l'ait mis en pratique. Donc il est mort sur le tawhid, hein, où il a prononcé cette parole avec sincérité. Donc il sera le plus heureux au jour de la résurrection de l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Rabi', il explique maintenant, il dit ومن العقائد التي يجب الإيمان بها أيضا أن الإيمان بالشفاعة وقد ورد في القرآن والسنة الحديث عن الشفاعة. الشفاعة المنفية التي لا يمكن أن تكون أو تقبل وهي الشفاعة في الكفار, يعني الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لا يمكن, أو الشفاعة يعني الشفاعة في الكفار, يعني والشفاعة المثبتة للمؤمنين كما كل ذلك جاء به القرآن وتحدثت عنه السنة, تحدثت عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة المتواترة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل بشفاعة الأنبياء جميعا, وشفاعة المؤمنين, وشفاعة العلماء, وشفاعة الشهداء إلى آخره. وهناك من الفرق الضالة من ينكر الشفاعة في الموحدين ويتعلق بنفي الله تبارك وتعالى الشفاعة التي تخص الكفار, كما في قوله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين, وقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الشفاعة في الكفار لا تحصل أبدا. ثم قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة الأولى منفية تماما, والشفاعة الثانية تحصل بإذن الله وبأمره للمؤمنين الموحدين, ولا يستطيع أحد أن يقوم بين يديه ليشفع عنده من تلقاء نفسه, بل لا بد فيها من إذن للشافع والرضا عنه, ولا بد فيها من الرضا عن المشفوع فيه, ولا يرضى الله إلا عن الموحدين، فيقبل فيهم شفاعة الشافعين بعد الاستئذان. Donc on va traduire ce qu'on vient de lire maintenant. Il dit que parmi les différents points de la aqida, il y a la foi obligatoire en yani l'intercession. Donc, c'est-à-dire que la foi en l'intercession fait partie des éléments de la croyance qu'il est obligatoire pour le musulman d'accepter hein, et de croire. Et ça, ça a été rapporté dans le Coran, dans la Sunna. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des informations dans le Coran et dans la Sunna au sujet de l'intercession. Et il y a deux types d'intercession qui sont mentionnés dans le Coran. L'intercession qui est niée et l'intercession qui est affirmée. Donc l'intercession qui est niée, c'est l'intercession qui ne peut pas se produire ou qui ne peut pas être acceptée. Et c'est l'intercession pour les koufars, pour les mécréants. Donc il ne peut pas y avoir d'intercession pour eux. Tandis que l'intercession qui est affirmée, c'est l'intercession pour les croyants. Et il dit que tout ce qui est mentionné dans le Coran et tout ce qui a été rapporté dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques et qui sont rapportés par de grands nombres de rapporteurs, donc tout ça, c'est mentionné, ces choses-là sont mentionnées dans ces sources-là de la religion. Et il dit ensuite que les gens de Ahlu Sunnati wal Jama'a, ils croient donc en l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les pécheurs de sa umma. Et ce n'est pas seulement l'intercession du messager en laquelle ils croient, mais également l'intercession de tous les prophètes et l'intercession également des croyants qui vont intercéder pour d'autres croyants, ainsi que les ulama et les martyrs. Yani chacun auront une intercession hein, pour intercéder en faveur de certains d'entre les croyants. Et il y a, tandis qu'il y a des sectes, parmi les sectes qui ont dévié et qui se sont égarés, qui renient l'intercession au sujet des croyants qui sont morts sur le tawhid. Et pour justifier leur négation de l'intercession, ils essaient de se rattacher aux versets qui sont généraux et qui nient l'intercession. Et le cheikh explique en réalité que ces versets-là sur lesquels il s'accroche pour essayer de nier l'intercession sont des versets qui sont en réalité spécifiques aux mécréants, hein, aux mushrikin, aux kuffar. Comme Allah Azza wa Jal, il le dit par exemple dans le verset 48 dans Surat Al-Muddathir, lorsqu'il dit ce qui signifie yani, l'intercession des intercesseurs ne leur profitera pas. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ou le verset 48 dans Surat Al-Baqara, dans lequel Allah Azza wa Jal, il mentionne, on va lire ce verset. Donc il y a deux versets dans Surat Al-Baqara. Le premier c'est le verset 48 et le deuxième c'est le verset 254. Donc dans ces deux versets-là, il y a la négation de l'intercession, mais bien entendu, comme on l'a expliqué, c'est pour les kuffars que cette intercession-là est niée. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre et où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession. » Donc ça c'est le verset 48 et le verset 254. Donc à la fin proche de la fin de cette sourate, dans Surat Al-Baqarah, là il y a un autre exemple dans la formulation un peu semblable à celle du verset 48, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Hein? » Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Donc ça, c'est des exemples. Et l'intercession, donc le cheikh Rabir, il explique que l'intercession ici, elle ne peut pas donc se produire puisque on parle de l'intercession pour les kuffars. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il mentionne dans d'autres versets des mentions de l'intercession Et il clarifie que personne ne peut intercéder sans sa permission et sans qu'il ait agréé. Hein? Donc, parmi les exemples de ça, le verset 255 dans Sourate Al-Baqarah, c'est Ayatul Kursi. Allah Azza wa Jal, il dit Allah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. C'est le vivant et al-qayyum, celui yani, qui se tient par lui-même et celui yani, qui se suffit à lui-même. Et tout a besoin de lui. Donc ça, c'est al-qayyum. Et ensuite, il dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, c'est-à-dire ni la somnolence, ni le sommeil ne le touchent. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, c'est-à-dire qui est celui qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Donc l'intercession qui est mentionnée en premier, qu'on a cité dans les versets précédents, c'était l'intercession qui est niée, hein, complètement, parce que c'est l'intercession pour les kuffars, tandis que l'intercession qui est mentionnée dans les autres versets comme Sourate Al-Baqarah, Ayatul Kursi et d'autres, hein, eh bien ça c'est des versets qui mentionnent donc qu'il peut y avoir une intercession pour les croyants qui sont sur le tawhid par la permission d'Allah. Et que personne ne peut intercéder auprès d'Allah, et personne ne peut se tenir devant Allah et intercéder de par lui-même, hein, de son, c'est-à-dire directement comme ça, de lui-même. Non, il faut premièrement qu'il ait la permission d'intercéder. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et en même temps aussi, il ne peut pas intercéder sans que Allah soit satisfait de lui. Donc Allah doit être satisfait de l'intercesseur et il doit également être satisfait de celui pour qui on intercède. D'accord? Al-mashfou' fihi ou al-mashfou' anhu. Et donc ici, yani Allah Azza wa Jal, nous on sait que comme il l'a mentionné dans le Coran, qu'il ne peut pas être satisfait de l'intercession des kuffars et il ne peut pas non plus être satisfait qu'on intercède pour des mushrikines et des kuffars. Donc c'est seulement pour les croyants qui sont sur le tawhid que Allah Azzawajal peut être satisfait. Et donc il dit ensuite fayaqbalu fihim shafa'at ash-shafi'in ba'da al-isti'dhan. Donc il va accepter l'intercession des intercesseurs en faveur de ceux pour qui on demande l'intercession après avoir donné sa permission pour qu'il puisse intercéder. Le cheikh il dit ensuite fa fi hadha as-siyaq dhakara ash-shafa'at al-manfiyata 'an al-mushrik 'an al-kafirin وذكر الشفاعة الثابتة للمؤمنين ومع هذا يتعامى المعتزلة والخوارج ومن صار على نهجهم عن هذا البيان الواضح في سياق واحد في سياق واحد في سورة البقرة يعني آية الكرسي وما قبلها يعني ذكر شفاعتين شفاعة منفية إطلاقا وشفاعة تحصل بعد إذن الله تبارك وتعالى فيكابرون كما هو شأن أهل الباطل والعياذ بالله. Donc ici le cheikh il dit donc on voit donc que dans ce contexte des versets qu'on a mentionnés et de l'explication qui a été clarifiée à ce sujet-là, la mention de l'intercession qui est niée au sujet des kuffars et la mention de l'intercession qui est affirmée pour les croyants. Et ça, c'est très clair. Malgré ça, on a parmi les sectes d'égarement qui nient l'intercession, comme par exemple les Mu'tazila et les Khawarij. Pourquoi? Parce que pour eux, tous ceux qui commettent des grands péchés sont des kuffars. Alors, ils ne considèrent pas que les musulmans qui commettent des péchés puissent profiter de l'intercession, puisqu'ils les déclarent mécréants. Hein? Et c'est justement pourquoi les ulama d'Ahl-Sunnah ils ont toujours utilisé, parmi les arguments qu'ils ont utilisés pour réfuter les Khawarij, et ceux qui les suivent parmi les différentes sectes, ils ont toujours utilisé les hadiths et les versets au sujet de l'intercession. Parce que c'est vraiment un argument qui est fort pour réfuter les Khawarij et les Mu'tazila. Puisque pour les Mu'tazila aussi, c'est la même chose. Ils considèrent que le musulman qui commet des grands péchés, il n'est ni croyant ni mécréant. Hein? Il n'est ni musulman ni mécréant. Ils disent qu'il est dans un degré entre les deux. Puis dans l'au-delà, il est dans l'enfer pour l'éternité. Tandis que les Khawarij, eux, non, ils disent qu'il est mécréant dans la dunya, s'il a commis des grands péchés, et il est pour l'éternité dans l'enfer, s'il meurt dans l'au-delà. Donc ils se rejoignent en ce qui concerne la croyance vis-à-vis, par rapport à l'au-delà. Mais en ce qui concerne la question de leur statut dans cette vie d'ici-bas, s'ils ont commis des grands péchés, ils les considèrent kuffar. Et donc pour eux, si quelqu'un rentre en enfer, il ne pourra jamais en sortir. Hein? Et donc ils ne veulent pas accepter ou croire en l'intercession des intercesseurs. Hein? C'est pour ça qu'ils renient cette aqida de Ahl Sunnah. Et le cheikh, il dit ensuite que ces gens-là, donc, ils rejettent ces preuves-là et ils s'enflent d'orgueil devant la vérité. Et ça, c'est la réalité de tous les gens de la fausseté et tous les gens qui s'accrochent à ce qui est faux. Wal'iyadhu billah, ils s'aveuglent et ils préfèrent s'enfler d'orgueil et rejeter ce qui est établi, ce qui est clair dans les preuves du Coran et de la Sunna. Le cheikh il dit ensuite: وتحدث الله عن الشفاعة في آيات أخرى أيضا منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وفي سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذه شفاعة مثبتة للمؤمنين لكنها مشروطة بالإذن فالملائكة مع كثرتهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله إلا لمن ارتضى وكذلك الأنبياء والصالحون من الصحابة وغيرهم كلهم يشفعون بعد إذن الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il explique que on a mentionné aussi le verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle de l'intercession aussi, et il dit que par exemple dans sourate Al-Anbiya, Allah Azza wa Jal il dit, et c'est le verset 28 hein, dans cette sourate Al-Anbiya, il dit, et il n'intercède que pour celui que Allah a agréé. Et il dit, et ils sont, yani wala yashfa'un, je pense qu'ici il s'agit des anges. Hein, il n'intercède que pour celui que Allah a agréé, et ils sont hein, remplis de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ainsi que le verset 26 dans Sourate An-Najm, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, excepté après que Allah ait donné sa permission pour celui qui l'a voulu et qui l'a agréé. Hein, » pour celui qui l'a voulu et qui l'a agréé. Et donc ici, le cheikh explique que l'intercession donc, qui est affirmée ici pour les croyants, elle est affirmée avec des conditions. C'est-à-dire la condition d'avoir donné la permission, premièrement, ainsi que d'avoir été satisfait de l'intercesseur et de la personne pour qui on intercède. Les anges, hein, avec leur grand nombre, ils ne peuvent intercéder qu'après avoir reçu la permission d'Allah pour pouvoir intercéder. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset, « Excepté pour celui qui l'a agréé. » Hein? Excepté pour celui qui l'a agréé. Et il dit ensuite, c'est ainsi donc que les prophètes et les pieux, ainsi que yani, donc c'est ainsi que les prophètes et les pieux parmi les sahaba et parmi les autres hein, parmi autres que les Sahaba, ils peuvent tous intercéder, mais après, seulement après la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh, il va citer maintenant des hadiths au sujet de l'intercession. Il y en a de nombreux hadiths, et certains de ces hadiths-là sont très longs parfois. Il y a beaucoup d'exemples et de points qui sont mentionnés dedans. Donc on va mentionner celui-ci. Le Cheikh il dit « وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا فِي الْأَحَادِيثَ الْكَثِيرَةِ الثَّابِتَةِ عِنْدَمَا تَشْتَدُّ الْأَهْوَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالنَّاسِ وَيَطُولُ انْتِظَارُ النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ يَذْهَبُونَ إِلَى آدَمَ وَإِلَى نُوحٍ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى مُوسَى وَإِلَى عِيسَى لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فِي كَشْفِ هَذَا الْغَمِّ وَالْكَرْبِ فَيَعْتَذِرُونَ كُلُّهُمْ وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفْسِي نَفْسِي ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَشْفَعُ لَهُمْ إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ وَأَذِنَ اللَّهُ لَهُ وإلا بعد الاستئذان وإذن الله له ولا يشفع ابتداء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون ممن ذاك بجمع لله يجمع لله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يتيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك لله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك أما ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله أنت رسول الله خاتم الأنبياء أنت رسول الله يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصارعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. فهؤلاء الأنبياء كل منهم يعتذر ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، ويذكر خطيئته ويستحي من ربه أن يشفع، لأن بعضهم وقع في الخطأ وبعضهم وقع في شبه الخطأ، وإن كانوا قد خرجوا من هذا الخطأ وشبهه بتوبة لا نظير لها، ولكن الحياة يلاحقهم حتى في الآخرة. فعلينا أن نستحي من الله في الدنيا والآخرة، والله لا يرتكب المعاصي والجرائم والظلم إلا من قل حياؤه أو عدم. فالحياء أمر عظيم، ومن فوائده الجليلة أنك ربما تهم بالمعصية فتذهب وتمشي إليها، ثم تتذكر وتقول: إن ربي يراني ويسمعني، فتخجل وتخاف في نفس الوقت. فيدفعك ذلك الحياء والخوف إلى الإحجام عن فعلها. فالحياء رادع عظيم ووازع عظيم، الحياء والخوف مع الإيمان الصادق. فعلينا أن نقوي إيماننا وأن نغذي الحياء بدراسة سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث. Donc on va s'arrêter, on va traduire jusqu'ici. Donc ici c'est un récit en fait d'un hadith qui est connu, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc qui est authentique. Et le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans de nombreuses narrations et des hadiths authentiques, lorsque les choses seront très difficiles au jour de la résurrection et que les gens auront été fatigués d'attendre très très très longtemps, et comme Allah Azza wa Jal, il le mentionne, le jour de la résurrection qui dure 50 000 ans, c'est un jour qui dure 50 000 ans. L'attente est très très longue. et les gens sont debout et ils sont nus. Hein? Ils sont nus et ils sont debout et tout le monde attend. Il n'y a pas de chaise pour s'attendre, pour s'asseoir. Il n'y a pas d'ombre hein, pour se couvrir de la chaleur du soleil qui est proche de nos têtes. Et les gens sont dans leur sueur. Et donc, à un moment donné, ils regardent et ils disent, hein, peut-être qu'on pourrait aller voir les messagers, les prophètes, pour leur demander, hein, pour leur demander d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour qu'il nous délivre hein, de cette attente et de ce châtiment, hein, de ce jour terrible. Alors ils commencent et ils vont à Adam et à Nuh et à Ibrahim et à Moussa et à Isa pour qu'ils intercèdent pour eux auprès de leur Seigneur et qu'ils les délivrent hein, des difficultés, des épreuves de ce jour. Et chacun d'entre eux s'excuse. Chacun d'entre eux donne une excuse pourquoi ils refusent d'intercéder. Et chacun d'entre eux dit « Nafsi, Nafsi ». C'est-à-dire « Moi, moi, hein, mon âme, mon âme ». Et ensuite, ils vont au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'intercéder. Et le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'intercède qu'après avoir reçu la permission de la part d'Allah pour pouvoir intercéder. Donc il n'intercède pas du premier coup directement. Il commence par se prosterner devant Allah et il n'intercède que lorsque Allah Azza wa Jal lui donne la permission. Et ça c'est expliqué dans le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu au sujet de ce récit. Et ça c'est la grande intercession qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, la position ou le statut de gloire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pourquoi on l'appelle comme ça, c'est parce que tous les hommes, toutes les créatures, depuis le premier des hommes, Adam, jusqu'au dernier, seront reconnaissants au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il les a, à ce moment-là, il les libère de cette attente atroce et difficile. Et donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je suis le chef des hommes, hein, ou le maître des hommes au jour de la résurrection, hein, parmi les créatures. » Et ça, il dit « Savez-vous pourquoi cela ?» Et il dit « C'est parce que Allah Azza wa Jal, il va réunir toutes les créatures, de la première jusqu'à la dernière, dans un seul terrain, hein, une seule terre. » Un endroit, qu'on dit Saïd, c'est-à-dire un grand champ. Hein? Parce que la terre à ce moment-là va être comme un grand terrain où tous les hommes vont se tenir en même temps devant Allah Azza wa Jal. Et ils vont regarder, hein? Ils vont regarder, il dit Fayubsiruhum Nadir, il dit celui qui regarde, il va les voir, et celui qui entend, ils vont entendre celui qui appelle. Ah oui, c'est ça, celui qui appelle va les entendre. Le soleil va être proche de leur tête, et les gens vont être troublés par toutes sortes de difficultés, de problèmes ce jour-là. Ce sera un jour terrible. Et les gens ne pourront plus le supporter à un moment donné. Ça deviendra trop difficile pour eux. Alors, ils vont dire, ne voyez-vous pas dans ce dans quoi nous sommes, comme difficulté et comme châtiment. Et donc, à ce moment-là, ils vont dire, ne voyez-vous pas quelqu'un qui, yani parmi les créatures, parmi les hommes qui pourraient intercéder pour vous auprès de votre Seigneur. Alors les gens vont se dire les uns aux autres, votre père Adam, allez lui demander. Alors ils vont tous aller vers Adam, le père des hommes. Hein? Et ils vont lui dire, tu es le père des hommes, Allah t'a créé de sa main, et il a soufflé de son âme en toi. Hein? Et il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. et il t'a fait demeurer dans son paradis. Hein? Ne vas-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes comme situation? Ne vois-tu pas qu'est-ce qui nous arrive? Et donc, il va répondre en disant, « Certes, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui. » D'une colère, Yannick, il n'a jamais eu de colère semblable dans le passé, et il n'aura jamais plus de colère semblable après. Et il dit, « Et il m'a interdit de manger de l'arbre, et je lui ai désobéi. » Alors, hein, c'est ma personne. Allez voir autre que moi. Allez voir Noé. Hein, Noé. Alors, ils vont tous vers Noé. Et ils demandent, « Oh Noé, tu es le premier des messagers aux habitants de la terre. Et Allah t'a appelé le serviteur reconnaissant. Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes? Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes et ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Ne vas-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? » Alors ils diront, « Certes, mon Seigneur s'est mis en colère d'une colère aujourd'hui dans laquelle il ne se mettra jamais après. Hein? Il n'a jamais été en colère comme cela auparavant et il ne sera jamais en colère comme cela après. » Et il dit, « Et moi, j'avais une invocation et je l'ai utilisée contre mon peuple. Alors, ma personne. Allez voir autre que moi. Allez vers Abraham, Ibrahim, alayhi salam. » Alors, ils vont vers Abraham, Ibrahim, et ils lui disent, « Tu es le prophète d'Allah. Hein, tu es le prophète d'Allah et son Khalil, et son bien-aimé parmi les habitants de la terre. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes? Hein? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? » Et il répond en leur disant, « Certes, mon Seigneur s'est mis en colère d'une colère aujourd'hui, dans laquelle il ne se remettra jamais dans une colère semblable. Il n'a jamais été dans une colère pareille dans le passé et ne sera jamais dans une colère semblable non plus après. » Et il dit, donc c'est ça, et il dit, j'ai menti trois fois, à trois reprises, et il mentionne les mensonges qu'il a fait. Et ensuite il dit, ma personne, allez voir autre que moi. Alors ils vont voir Moussa alayhi salam. Ils arrivent à Moussa et ils lui disent, « Oh Moussa, tu es le messager d'Allah. Allah t'a préféré par son message et par sa parole sur tous les hommes. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes? Ne vois-tu pas notre situation? » Alors il dit, « Certes, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et il ne se remettra jamais en colère ainsi par après. » Et il a dit, « Certes, j'ai tué un homme que je n'avais pas été ordonné de tuer. Ma personne, allez voir autre que moi. Allez vers Isa, allez vers Jésus. » Alors ils vont voir Jésus. Et ils lui disent, « Oh Jésus, tu es le messager d'Allah et une parole qu'il a mis en Mariam, et une âme qu'il a créée. Et tu as parlé aux hommes dans le berceau. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes? » Alors Isa, Jésus va leur dire, « Certes, mon Seigneur s'est mis aujourd'hui en colère, comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant, et il ne sera jamais en colère ainsi après. » Et il n'a pas mentionné aucun péché, mais il a dit, « Ma personne, allez voir d'autres que moi. » Et ils se tourneront vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont lui dire, « Oh Mohammed, tu es le messager d'Allah et le sceau des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie. et Allah t'a pardonné tous tes péchés, passés et futurs. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes? Alors il va se lever et il va se prosterner sous le trône. Et il va se prosterner à son Seigneur. Jusqu'à ce que... Et ensuite, Allah va lui donner des inspirations de certaines glorifications et des éloges qu'il ne lui avait jamais révélés auparavant et à personne d'autre également. Et puis ensuite, il lui sera dit, « Oh Muhammad, lève ta tête et demande, tu recevras, hein, on te donnera. Et intercède et ton intercession sera acceptée. » Alors, il dit, « Je lève ma tête à ce moment et je dis, « Oh mon Seigneur, ma umma, oh mon Seigneur, ma umma, oh mon Seigneur, ma umma. » Alors il lui sera dit, « Oh Muhammad, fais rentrer de ta umma ceux qui n'ont aucun jugement, hein, par la porte de droite parmi les portes du paradis. » Et ils sont partenaires des hommes dans les autres portes. Hein, ils sont partenaires ou associés des gens dans les autres portes du paradis également. Et puis ensuite, il dira, par celui qui tient mon âme en sa main, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, il dit, ma bayn al-masara'in, misra'in, ma bayn al-misra'in, min مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. Donc il dit que يعني المصراعي يعني c'est comme si il donne la distance de quelque chose qui est dans le paradis, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les deux bords de la porte. Et il dit, c'est comme la distance entre Mecca et Hajar, ou bien Mecca et Basra. Donc, c'est-à-dire que c'est une très, très grande distance. La distance des portes du paradis sont immenses. Donc, c'est ça qu'il veut dire ici. Donc, le cheikh, il explique ici, il mentionne ensuite que ces prophètes, donc chacun d'entre eux, ils mentionnent une excuse pourquoi ils ne vont pas répondre, hein, à la demande des gens d'intercéder pour eux auprès d'Allah. Et ils disent tous que leur Seigneur s'est, hein, ils disent tous, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui, hein, d'une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et qu'il n'aura jamais non plus par la suite. Hein, et il dit, chacun d'entre eux, il mentionne une erreur ou une faute qu'il a commis. Hein? Et il dit, il est gêné, donc, d'intercéder et de demander à son Seigneur à cause de cette faute-là. Et il dit, alors que certains d'entre eux, c'est uniquement une faute ou une erreur qu'il a fait, ou bien quelque chose qui ressemble à une faute, alors qu'ils se sont tous repentis de cette faute déjà, hein? Et que ils se sont repentis d'une manière incomparable. Et malgré ça, ils sont gênés, hein, de leur Seigneur. Hein? Subhanallah. Et donc le cheikh, il dit, ils sont sortis de cette erreur depuis et ils se sont repentis de cette erreur ou de ce semblant d'erreur, yani d'une manière incomparable, mais à cause de ça, ils ont cette gêne, hein, au jour de la résurrection. Alors il dit, alors nous aussi on doit avoir encore plus de gêne vis-à-vis d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà, parce que il dit, par Allah, celui qui commet des péchés et des crimes et de l'injustice, c'est seulement une personne qui a peu de gêne ou pas de gêne du tout de vis-à-vis de son Seigneur. Donc la gêne, hein, c'est une chose très, très grande, importante. Et parmi ses bienfaits, c'est-à-dire les bienfaits de la jeûne, c'est que peut-être que tu vas avoir une fois l'envie ou l'idée de commettre un péché quelconque et que tu vas partir ou que tu vas marcher vers ce péché-là. Puis en chemin, tu te rappelles d'Allah et tu dis « Mon Seigneur me regarde et il m'entend ». Alors à ce moment-là, tu vas avoir la honte et tu vas être gêné et tu vas avoir peur en même temps. Et donc cette gêne et cette peur va t'amener à cesser et à te retenir et à ne pas avancer vers ce péché-là. Donc la gêne, ça peut être quelque chose qui justement est une grande forme de répulsion, c'est-à-dire vis-à-vis du péché, ça va te repousser du péché. Et donc c'est un élément très important dans la foi pour le croyant, puisque la peur et la gêne sont toujours des choses qui aident le croyant à s'éloigner des péchés avec la foi sincère. Et donc nous devons renforcer notre foi et nourrir cette pudeur et cette gêne en étudiant justement l'exemple de la vie des prophètes alayhim salatu wassalam. Et parmi ces exemples là qu'est-ce qui a été mentionné à leur sujet dans ce hadith ici? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Au prochain coup, on continuera la suite de cette explication à ce sujet. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.